Bonne performance des joueurs coréens dans le tournoi international de boxe Konstantin Korotkov tenu à Khabarovsk, Russie. Les Coréens ont remporté 2 médailles d'or et 3 de bronze et la Corée s'est classée 2e pour le nombre des médailles par nation. Kim Moon-sung et Cho Hyo-nam ont gagné chacun 1 médaille d'or dans les catégories de 49 kg et de 56 kg, alors que Kwak Chul, Lee Sung-jin et Kwon Chul-guk respectivement 1 médaille de bronze dans les catégories de 49 kg, de 52 kg et de 60 kg.